Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mardi, j'allais dire le vendredi, pas du tout, le mardi 7 décembre 2021. Nous sommes en direct, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris. Vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont, Muriel d'ailleurs, chanteuse et guitariste, on va dire artiste qui est là pour nous parler du coup de sa carrière d'artiste, de chanteuse et de tout ce qu'elle fait. Donc bonjour Muriel. Bonjour Chris, bonjour tout le monde. Comment ça va? Très très bien, et vous? Ça va bien, merci. On a encore un problème de son, je crois, non? Ouais, moi j'ai des petits grésillements dans mon casque. Ouais. Alors je sais pas si les auditeurs les ont aussi. Est-ce que vous les avez aussi? Moi je les ai, je vais essayer de travailler sans le casque pour voir peut-être. Hop. Voilà, tu m'entends toujours dans le casque, toi? Ouais, je t'entends toujours, ouais. Ok, parfait. Donc, on va essayer comme ça, et puis on verra bien, du coup, voilà, les aléas du direct, hein, on connaît. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués, avant d'entrer dans le vif du sujet, si jamais certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Muriel, j'ai 25 ans, je viens de Belgique, j'ai emménagé dans les Vosges il y a plus ou moins, un peu moins de 2 ans, et je suis artiste, chanteuse, compositrice, autrice, en autoproduction, donc je suis aussi productrice de moi-même. D'accord. Et donc, tu t'entends parler dans le casque? Je m'entends, ouais. Ok, parfait. Parce que vu que j'ai pas le casque, moi c'est un peu compliqué de gérer, on essaiera de régler ça pendant les pauses musicales. Donc, bien sûr, hein, comme on s'en doute, Muriel d'ailleurs, c'est un nom de scène. Ouais, bien joué. Merci. Donc, pourquoi ce nom de scène? Pourquoi le d'ailleurs? Alors, ce nom, c'est pas moi qui l'ai inventé ni choisi. Il est tombé du ciel. En fait, je pense que c'est un nom qui correspond bien à mon histoire, à ma démarche, puisque j'aime beaucoup m'influencer des musiques du monde, des musiques traditionnelles, j'aime beaucoup voyager. Et c'est un ami qui me connaît bien et qui m'a suivi pendant plusieurs années, qui me connaît depuis mes débuts dans la rue, qui m'a suggéré de prendre ce nom. Et en fait, je trouve que c'était génial, c'était un coup de génie, et ça me colle à la peau et je n'ai pas quitté ce nom depuis. D'accord. Et donc, du coup, comme tu l'as dit, tu es chanteuse. Donc, quel a été ton parcours personnel? Est-ce que tu as fait peut-être des études d'art ou un conservatoire ou autre? Alors là, je viens de sortir de mon master en école buissonnière de la vie. Donc, en fait, moi, je viens d'une famille de musiciens. Mes parents étaient musiciens dans la rue quand j'étais enfant. Et j'ai grandi comme ça, en voyant mes parents autoproduire leurs CD, partir en tournée l'été en caravane, surtout à Saint-Malo, en Bretagne. Et donc, pour moi, la musique, ça a toujours été, ça fait toujours partie de ma vie, de mon éducation. C'était une évidence de faire ça. Et quand j'ai eu 15 ans et que j'ai vu que je pouvais aller jouer de la guitare dans la rue et que ça faisait pleuvoir des billets et des pièces du ciel, je me suis dit, pourquoi est-ce que je continuerais à aller à l'école alors que la vie m'attend dehors? Et donc, j'ai commencé comme ça, à chanter dans la rue. Et du coup, j'ai suivi quelques cours quand même parce que j'avais envie de me former à la musique des années 30 et j'avais envie de jouer le jazz manouche avec les musiciens pour pouvoir avoir les codes qui me permettraient de jouer du jazz partout dans le monde et de pouvoir aussi, grâce aux codes du jazz et des connaissances un petit peu en harmonie, en rythme, pouvoir m'intéresser à toutes les musiques traditionnelles du monde. Et donc moi, mon rêve, c'était voilà, de partir voyager, écouter les musiciens qui font de la musique traditionnelle dans les bars, dans les restos, dans les cafés, qui jouent en acoustique, mais aussi sur les scènes, aussi dans les théâtres, aussi sur des grosses salles et tout ça, bien sûr. Mais c'est vraiment cette énergie populaire, acoustique, très chaleureuse et intimiste qui me plaît le plus et qui me nourrit le plus. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai appris, en fait. Je suis allée voir des musiciens et j'ai été les écouter. Et puis j'ai acheté des CD, j'ai recopié les disques, et j'ai recopié les disques de Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan, de Billie Holiday, pour apprendre tous les standards de jazz. Et puis après j'allais voir les musiciens, j'allais chanter des chansons avec eux, et puis ils m'ont appris les accords à la guitare pour les accompagner, des violonistes, des guitaristes de jazz manouche, et c'est comme ça que je me suis formée en fait petit à petit. Même si je suis passée un petit peu par l'académie de Marchénaux-Pont, près de Charleroi, en Belgique, et j'ai fait un stage, on va dire, de 6 mois, où j'ai suivi une demi-année de cours au Jazz Studio à Anvers, qui est une école privée axée sur le jazz et la pop. D'accord. Donc, on a du coup, comme vous l'entendez certainement, on a quelques problèmes de son. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer directement la première pause musicale, histoire de travailler, de régler ce problème de son pendant cette pause musicale. Et donc, nous allons écouter du coup un premier de tes morceaux. Donc, le morceau intitulé « La pluie » que tu chantes avec Superska. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, ce morceau est sorti l'année dernière, donc en 2020. Donc c'est dans Superska, je ne sais pas, ils sont combien de d'artistes. Alors il y a 8 musiciens qui ont invité sur cet album 9 chanteurs. Puis on a aussi un technicien qui fait partie de l'équipe. Donc on est déjà presque une vingtaine, avec en plus le technicien, le booker, et c'est aussi un groupe en autoproduction. Mais c'est plus ou moins une équipe de 20 personnes du coup. Sauf que sur la tournée, on est 8 musiciens et 3 chanteurs seulement. D'accord. Donc, du coup, nous allons écouter ce morceau. Et donc, c'est tiré d'ailleurs de l'album Supernova de Superska, album sorti en mars 2020. Donc, du coup, on écoute ce morceau. J'essaie de régler les quelques problèmes de son. N'hésitez pas à nous dire sur la page Facebook si vous nous entendez bien. J'espère, parce que bon, les problèmes de son, c'est le problème du direct. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, on écoute La pluie de Superska avec, du coup, Muriel d'ailleurs. Et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h11, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout en France. Vous venez d'écouter Muriel d'ailleurs et Superska avec le morceau intitulé La pluie. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Muriel d'ailleurs, justement, qui est là pour nous parler de sa carrière et de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours ? Eh oui, très bien, et vous-même ? Ça va bien, merci. Donc du coup, voilà, pendant la pause musicale, on a essayé de regarder un petit peu pour le son, on va espérer qu'il n'y a plus de problème, voilà, parce que c'est toujours plus agréable d'avoir une bonne piste audio. Hein. Donc du coup, à travers ce son, la pluie, est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire, que tu souhaites transmettre ? Oui, je souhaite dédier cette chanson à Léo Ullmann, parce qu'en fait, c'était une histoire d'amour qui s'est finie. Enfin, ça ne finit jamais. Mais c'est à la fin de notre histoire que j'ai composé cette chanson. Et donc, elle lui est dédiée, en fait. Voilà. D'accord. Donc, du coup, voilà, on va reprendre du coup cette émission. Donc, j'ai perdu ma trame. Non, c'est bon, elle est là. Alors, du coup, en tant que chanteuse, donc, est-ce que tu as déjà un ou plusieurs EP, voire des albums à ton actif ? Alors oui, il y a cet album de Supernova sur lequel j'ai été invitée à chanter 3 chansons qui est sorti en mars 2020 et qui est en tournée actuellement. Et puis il y a aussi un CD que j'ai sorti du coup l'été passé qui est tout frais, c'est un EP solo qui s'appelle Tranquille Peinard. Alors là je suis en guitare-voix avec mes compositions et effectivement quand je suis arrivée dans les Vosges je me suis retrouvée confinée directement et très seule. Mais heureusement, j'avais ma guitare qui est très sympa avec moi et j'ai pu voilà, récupérer dans mes vieilles fardes, on dit pas ça des fardes ici, je sais, dans mes vieux classeurs, j'ai retrouvé toutes mes chansons oubliées, j'ai tout relu, j'ai retravaillé mes textes, j'ai retravaillé les harmonies, j'ai eu plein d'idées. En fait, cette période de silence m'a permis de faire de la place pour ma créativité et d'écrire plein de chansons. Donc j'ai écrit plein de chansons à cette période-là, mais j'ai aussi retravaillé sur mes anciennes chansons. Et je me suis dit, c'est maintenant, c'est le moment de faire son truc à fond et de composer, d'écrire, de créer. Donc j'ai enregistré une vingtaine, trentaine de chansons chez moi en guitare-voix pour faire des maquettes que j'ai envoyées à tous les musiciens avec qui j'ai l'habitude de jouer. Et puis j'ai choisi quelques-unes de ces chansons que je suis allée faire au studio Microclimat à Épinal. Alors, je savais pas trop ce que j'allais faire de cette journée de studio. Je l'ai pris un petit peu comme un défi parce que je voulais pouvoir continuer à faire quelque chose avec la musique pendant toute cette période où on pouvait pas faire de concert. Donc, j'ai réservé une journée de studio en me disant je reste dedans et puis je vais faire une dizaine de chansons comme si j'étais en concert et puis je vais pouvoir m'écouter en conditions professionnelles pour voir où j'en suis. Et donc, de ces 12 chansons, je me suis dit, bah, c'est pas mal, je vais en choisir 5 et je vais faire un petit CD avec. Donc, c'est un petit CD qui est vraiment très brut, très authentique, très personnel. Il n'y a pas beaucoup de travail sur le mixage. La guitare et la voix ont été faites en même temps, sans métronome. Pas beaucoup d'effets. C'est très, très, très réaliste, en fait. Et donc, c'est très à l'image de ce que je fais, moi, en guitare-voix, en acoustique. Et je pense que quand on écoute ce CD, c'est comme si on passait un petit moment avec moi dans une pièce à côté, quoi. C'était un peu le but, c'était ça. D'accord. Et donc, du coup, ce petit CD, donc, c'est un EP 5 titres intitulé, du coup, Tranquille Peinard. Oui. Voilà. Donc, Tranquille Peinard, c'est le premier morceau, d'ailleurs, de cette EP qu'on écoutera tout à l'heure dans cette émission. Et donc, à la base, tu es originaire de Belgique. Oui. Mais tu es désormais installée dans les Vosges. Donc pourquoi cette envie de passer de la Belgique aux Vosges ? Alors en fait, moi j'ai toujours adoré la montagne et c'était un rêve depuis toujours pour moi de partir vivre à la montagne, près des lacs, près de la forêt. J'ai vraiment besoin de la nature, donc c'est déjà quelque chose qui m'a appelée. J'ai été invitée la première fois à faire un concert dans les Vosges il y a 5-6 ans par l'association des Caracoles Sagar à plein fin qui organisait du son pour les braves et il était une fois dans l'Est. Donc ça a été ma première arrivée dans les Vosges à cette occasion-là et j'ai rencontré plein de gens super. J'ai adoré les balades dans la forêt, les rivières, les lacs, c'est magnifique. Et en fait, de fil en aiguille, je suis revenue tous les ans pour jouer dans un café, pour une fête de village. J'ai commencé à organiser des petites résidences au grattoir où je venais quand même souvent me poser avec ma guitare pendant une semaine pour écrire. Et je finissais toujours ma semaine par un petit concert. Et donc, petit à petit, je me suis fait amie avec plein de gens du coin, l'association des mondes de l'utopie, le grattoir à Gérardmer. Les caracoles Sagar, c'est aussi parti vers l'usine du Moulin maintenant, à Bruyères. Donc je me suis fait un petit réseau, petit à petit, et à un moment donné, je me suis dit, allez, je passe le cap, je vais vivre dans les Vosges, parce que j'aime cette dynamique culturelle qu'on retrouve partout, à la montagne, à la campagne, dans les vallées, dans les villages, et ça c'est très très précieux. Je trouve qu'en fait ici, il y a quand même une bonne dynamique culturelle, il y a une grande richesse culturelle, et je sentais qu'il y avait encore de la place pour rentrer dans cette dynamique et dans ce réseau, et j'avais vraiment envie de venir en faire partie, voilà. D'accord. Et donc, justement, nous parlions du coup de ton titre « Tranquille Peinard ». Et donc, le clip, il y a un clip de cette chanson disponible sur YouTube. Oui, tout à fait. Que tu as tourné à la ferme aux Hirondelles à Thiéfos, c'est pas si loin du coup de la radio, pour enregistrer le clip de la chanson « Tranquille Peinard ». Donc, est-ce que c'est le premier clip que tu tournes dans les Vosges ? Oui, tout à fait. C'est le premier clip que je tourne dans les Vosges. Alors, l'histoire, c'est que je jouais déjà avant, souvent, sur le marché des producteurs de Thiéfos. Et Michael Couchouron, qui du coup organise ce marché avec l'association des producteurs dans les locaux de la ferme des Hirondelles, là où il fait aussi la production des endives, m'a sauvé la vie l'hiver passé parce que du coup j'avais plus aucun concert, plus aucun revenu, j'avais pas du tout mes papiers en ordre à cause de tout ça. Et donc j'ai passé des mois sans revenus, sans papiers, sans sécurité sociale même. Enfin, j'avais mes papiers belges évidemment, mais qui ne valaient pas grand-chose ici. Mmh. Et du coup, il m'a embauché pour faire une saison de cueillette d'endives. Et c'est grâce à ça que j'ai pu rester et que j'ai tenu le coup l'hiver. Et donc en fait, je vendais les endives sur le marché le week-end. Je faisais la cueillette avec lui la semaine. Et en fait, le clip a été tourné avec l'équipe de sa fille, qui a lancé une entreprise qui s'appelle Abrasif Film, qui sont basés sur Lyon maintenant. Donc c'était aussi une rencontre d'amitié, de solidarité, et c'était une évidence pour moi à ce moment où on ne pouvait pas beaucoup voyager. On a fait des choses avec les gens qui étaient proches de nous, en fait. Et ça nous a amené à faire ce clip en coproduction avec Abrasif Film. D'accord. Et donc, dans ce clip, le décor, c'est un décor, on va dire, plutôt vintage. Donc, est-ce que l'époque vintage, c'est une époque qui te plaît, qui t'a dit, ce clip, ça va être l'époque vintage ? Alors oui, comme j'expliquais tout à l'heure, moi, je me suis beaucoup influencée du jazz manouche, du jazz des années 30 et des musiques traditionnelles populaires des années 30. Et donc, il y a vraiment cette marque, allez, c'est imprégné dans mon style, dans mon son, et j'avais envie de pouvoir transmettre ça dans l'univers visuel aussi. Donc, au début, on avait commencé par faire tout en noir et blanc. Et maintenant, j'ai envie, voilà, de pouvoir amener ces influences, cette patte des années 30, vers quelque chose de plus moderne, de plus contemporain. Donc, on a tout le visuel qui est maintenant en couleur, mais avec cet esprit vintage qui, là, est plutôt un peu années 50, en fait, je dirais. Alors, l'idée du clip dans cet univers, et ça a découlé, en fait, d'un shooting photo qu'on a fait avec Julien Michel, un photographe de Clefcy. C'est avec ces photos, le shooting qu'il m'a proposé de faire, que j'ai fait aussi toutes mes affiches, les visuels de la pochette du CD, le dossier de présentation du spectacle, tout ça. Et donc, en fait, on est parti du shooting photo et de toutes les images qu'on avait pour créer un clip dans cet univers. Alors, ce qui est génial, c'est que Mathilde Coucheron et son équipe d'Abrasif Film ont vraiment réussi à repiquer l'univers qu'ils avaient vu dans le shooting photo, qui était vraiment une maison, en fait, de connaissances ici dans la région. Ils ont racheté la maison, ils avaient pour projet de tout redécorer, mais juste avant qu'ils emménagent, ils nous ont laissé la possibilité de faire le shooting dans la maison telle qu'elle était, dans son jus des années 50. Et donc, dans le clip, on a reproduit en fait un décor des années 50. D'accord. Oui, parce que j'ai regardé le clip en préparant cette émission, et c'est vrai que je vais répéter ce que tu as dit, mais c'est vrai que niveau décor, ça fait très années 50, du coup, très vintage. Donc, je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà. Et donc, en tant qu'artiste, tout ça, est-ce que, enfin, dans ta famille, est-ce que tu es issu d'une famille d'artistes, de musiciens, de chanteurs, ou est-ce que c'est toi, tout seul, dans ta famille, qui est artiste ? Alors, mon grand-père, déjà, était pianiste de jazz. D'accord. qui a un petit peu appris la musique à ses trois fils, mon père et ses deux frères, qui, eux, se sont mis à jouer de la musique folk. Au début, ils étaient fans de bluegrass, ils jouaient dans la rue, c'est la musique folklorique américaine. Et puis, ils sont tombés amoureux de la musique irlandaise. L'un des frères est parti là-bas, a ramené cette musique-là, parce qu'ils étaient du coup partis, eux, déjà, de Paris vers Bruxelles. Il a ramené cette musique à ses frères à Bruxelles. Ils ont commencé à interpréter le répertoire traditionnel irlandais. Mon père aussi est allé après, mon oncle aussi, et lui s'est mis à composer de la musique dans cet esprit-là. Donc voilà, eux étaient vraiment dans la patte celtique, bretonne, irlandaise, et faisaient leur propre composition dans cet univers. Donc ma mère aussi chantait dans la rue à Anvers. Alors mon père et ses deux frères qui viennent de Paris sont allés rejoindre leur mère à Bruxelles quand ils étaient adolescents. Ils ont fait de la musique dans la rue là-bas, mais ils allaient faire la fête à Anvers parce qu'à cette époque-là, dans les années 70, c'était la grosse fête à Anvers, et c'était la meilleure ville de Belgique pour faire la teuf. Et là, ma mère chantait dans la rue, elle jouait de la flûte traversière avec une de ses copines à deux voix, guitare, voix, flûte. Et mon père et ses frères sont tombés sur ces deux nanas qui chantaient dans la rue. Et du coup, il est tombé amoureux et il a séduit ma mère dans la rue en lui apportant du thé. Et puis, elle a intégré le groupe familial. Et donc, toute ma famille est musicienne de ce côté-là. Et du côté de ma mère aussi, en fait, ma grand-mère jouait aussi du banjo, comme mon père. Et en fait, je pense que toute ma famille joue de la musique. Ça fait vraiment partie de nos gènes. D'accord. Donc, années 70, pour celles et ceux qui ne parleraient pas belge, c'est les années 70. Ouais, en fait, on va même dire 80, parce 80, que ouais. Mes parents sont nés en 60, et c'était fin de leur adolescence, début de vingtaine. Donc, c'est les années, fin des années 70, années 80. D'accord. Et donc, en préparant cette émission, j'ai vu que également tes différentes inspirations, donc c'est les ornementations irlandaises, la musique manouche, la musique tzigane et le klezmer, qui étaient très présents du coup dans ta vie. Donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui encore, tu as gardé ces influences de ces différents styles dans ta musique ? Ah oui, ça me tient très très à cœur. Voilà, d'accord. Moi, c'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui me nourrit, moi, c'est d'aller écouter les musiques traditionnelles, les gens qui jouent en acoustique avec leur cœur, qui perpétuent la tradition de la musique vivante. Mais maintenant, j'aimerais pouvoir me diriger vers quelque chose de plus actuel aussi, parce que j'ai envie d'exister dans le monde de maintenant. Et j'ai accepté que j'étais en 2021 et que j'avais 25 ans en 2021. Et que donc, pour exister maintenant, j'ai envie de faire avec le monde dans lequel je suis, avec les moyens techniques de maintenant, avec la production actuelle, et de pouvoir amener toutes ces influences dans des productions actuelles, avec les moyens techniques, avec les effets, avec les réverbes, avec les compresseurs, avec, avec la taille des scènes qu'on a aussi, la lumière, le son, les possibilités d'affiches, de vidéos et tout ça. Donc je suis en train de monter un répertoire de chansons à texte francophone qui se veut être quelque chose d'actuel, de populaire, d'accessible à tous, mais très influencé de la musique traditionnelle du monde, du jazz et surtout de perpétuer la tradition de la musique vivante. Donc je veux dire que moi, ça me tient à cœur, en fait, de ne pas faire de la musique électronique, même si je n'ai rien contre. C'est mon créneau à moi de faire de la musique en live avec des musiciens vivants, parce que j'aime la vie et j'aime pas les machines ni les écrans. D'accord. Donc justement, tu parles de la taille des scènes qu'on a de nos jours. Donc justement, sur scène, j'ai eu l'occasion de lire que ça ne te dérange pas forcément de jouer avec un musicien que tu ne connais pas. Alors, tout à fait. Disons que le fait de jouer un répertoire des années 30, ça permet en fait de trouver partout dans le monde des musiciens qui ont le même répertoire et qui connaissent les mêmes codes, s'ils ont, entre guillemets, l'école du jazz, même si on n'est pas obligé d'aller à l'école pour apprendre ça. Mmh. En fait, avec ça, avec ce bagage-là, on peut aller partout et trouver un réseau, de dire hey, vous connaissez des fans de Django, eh ben oui, il y en a dans le monde entier. Et vous connaissez des fans de Duke Ellington, de Ella Fitzgerald, eh ben oui, il y en a dans le monde entier. Et partout, il y a des cafés-concerts, il y a des clubs de jazz, il y a des jams, il y a des rencontres de musiciens. Et en fait, si on sait trouver ce genre de lieu, on arrive et on dit salut les gars, ça va, on peut faire All of Me en fa. Ils sont là, ouais, ok, give me the tempo, ok, 1, 2, 1, 2, 3, 4, et hop, c'est parti, et on joue. D'accord. Et également dans la même chose de l'adaptation, ça ne te dérange pas non plus de jouer dans différents milieux. Tu peux très bien jouer un soir dans un bar et le lendemain dans un mariage. Alors tout à fait, ça c'est ce que j'ai fait ces dernières années. J'ai fait à peu près tous les plans possibles et imaginables. Et puis moi j'ai commencé dans la rue. De la rue on m'a appelé pour jouer dans les bistrots. Des bistrots on m'a appelé pour jouer dans des salles de concert, des centres culturels, mais aussi le public. Puisque c'est ça qui est chouette quand on est dans la rue et dans les cafés, c'est qu'on est avec le peuple. Donc il y a les organisateurs de spectacles qui nous voient parfois, mais surtout il y a le public. Et donc il y a beaucoup d'événements privés, des fêtes d'anniversaire, des mariages, des communions, des baptêmes. Et moi, j'ai reçu des propositions un peu dans tous les milieux et j'ai dit oui à tout pendant 5-6 ans. Et j'ai couru partout pour faire tout essayer. Et c'était aussi pour moi une très bonne école. Mais maintenant, j'aimerais bien, me concentrer plus sur le spectacle pour pouvoir avoir des bonnes conditions techniques qui me permettent d'avoir toujours un beau son, toujours une belle lumière. Et je pense qu'avec toutes les expériences que j'ai vécues ces dernières années, j'ai un vrai message à faire passer et que du coup, je suis en train de switcher de tout ça, qui était mon école, vers une vraie production de spectacles vivants et d'albums qui se veut être dédié à la scène et à l'écoute, à la radio, à la télé, à tout ça. D'accord. Donc, d'ailleurs, en parlant de radio, dans notre diffuseur, nos auditrices et auditeurs l'entendent, nous avons quelques-uns de tes morceaux qui passent, tu passes sur nos ondes, rotation. Eh oui, et ça m'est déjà arrivé d'entendre des chansons de Super Ska quand j'allais remplir ma voiture à la pompe à essence. Eh oui. Alors j'ai ouvert les portières, j'ai mis à fond et j'ai dansé. C'est moi qui joue, enfin qui chante. Et donc justement, je crois également savoir, enfin déjà avant de poser cette question, tu dis que tu as tourné pendant 5-6 ans dans la rue, etc. Et comme tu l'as dit, tu as du coup 25 ans. Mais depuis combien de temps tu pratiques la musique? Alors j'ai commencé vers l'âge de 11-12 ans la guitare. D'accord. J'accompagnais mon père qui jouait du banjo et puis je faisais des petites chansons. Et j'ai appris plein de chansons. Au début, ce que j'aimais bien, moi, c'était le rock'n'roll. Mon père m'apprenait le folk, mais moi, je voulais chanter des trucs de rock, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix, de... Comment même... j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, je vous citerai des noms plus tard. et du coup, dès que j'ai commencé à pouvoir faire 2-3 accords, je les ai retournés dans tous les sens pour en faire des chansons. J'écrivais des petites chansons qui parlaient de ma vie, de mes amourettes, de ce que j'imaginais pour mon futur, de ce que je voyais dans les actualités, à la télé, à la radio, tout ça. Et puis, c'est ça vraiment, en fait, qui me passionne le plus, c'est cette créativité. Et écrire des chansons, pour moi, c'est un peu comme une transe. J'ai l'impression, parfois, c'est comme s'il y avait un éclair qui venait du ciel, qui me tape dessus, et je peux rien y faire. Il faut que j'arrête de faire tout ce que je suis en train de faire pour écrire. Et j'écris, et puis ça prend possession de moi. Et quand c'est fini, c'est comme une sensation, vous voyez, par exemple, après une séance de sport. Mmh. Ou après l'amour, par exemple, on a une sensation de bien-être différente. Et ben, quand j'écris une chanson, c'est un peu pareil. C'est comme si l'inspiration me foudroyait, et puis quand c'est fini, ça laisse une sensation d'apaisement et de bien-être. Et ça, c'est génial. Et du coup, quand j'ai découvert que je pouvais obtenir cette sensation-là, tout ce que je voulais, c'était enrichir mon vocabulaire musical pour pouvoir écrire des centaines de chansons pour vivre ça. Et donc, j'ai commencé à écrire à peu près 6 mois après que j'ai commencé la musique, vers mes 12 ans. D'accord. Et j'ai commencé la scène plutôt vers mes 14 ans en tant que percussionniste dans un groupe qui s'appelait Cosmos Festival à Namur, qui n'existe plus maintenant. D'accord, ok. Ouais, donc ça date quand même de quelques années, du coup. Du coup, ça fait un petit peu plus de 10 ans, plus ou moins 12 ans que je fais de la musique. Et ça fait 10 ans que je fais de la scène. Mmh. Autant dire que la musique t'a toujours accompagné, du coup, de ton enfance à aujourd'hui, à l'âge adulte, du coup. Oui, oui. Et donc, je crois également savoir que dans tes inspirations, tu comptes Michel Fugain, Jacques Dutronc ou encore Georges Brassens. Oui, tout à fait. Dans quelle mesure? Ah, ça, c'était des disques qu'il y avait dans la discothèque de mes parents. Je ne sais pas si je peux dire comme ça. Et moi, de toute façon, j'adorais écouter de la musique, donc j'ai écouté tous les disques de mes parents, puis j'ai fait ma petite sélection, et ça faisait partie des CD que j'avais piqués pour mettre dans ma chambre. D'accord. Donc il est 14h31 dans quelques secondes. Avant de poursuivre cette émission, je te propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale, dans un deuxième de tes morceaux, et que nous écoutions cette fois-ci le morceau dont nous parlions un peu plus tôt, le morceau intitulé Tranquille Peinard, qui donne du coup son nom à ton EP. Donc une nouvelle fois, au niveau de quelques références, ce titre est tout récent, il est sorti cette année, cet été plus précisément, et il est issu de ton premier EP solo, donc EP intitulé Tranquille Peinard, que j'ai sous les yeux actuellement. Donc du coup, on écoute ce titre, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Guémozo, après Muriel d'ailleurs, et son titre Tranquille Peinard. Je suis tranquille, pépère, peinard à la maison. J'ai du style de panthère en peignoir dans le salon. On est si peu de choses, la vie ne tient qu'à un fil. Les jours tristes et moroses, le bonheur qui défile. On voudrait tous de l'amour, on a besoin d'exil et surtout de chocolat. La la la la la la la la la la la la la la. Je suis tranquille, pépère, peinard à la maison. J'ai du style de panthère en peignoir dans le salon. Slid, lid, la da, slid, lid, la da. Po, pa, pa, da, da, de, pa, de. Od, lid, la, de. Od, lid, la, slid, la. Shid, la, la, la, la, la. On a si peu de choses. La vie ne tient qu'à un fil. Les jours tristes et moroses, le bonheur qui défile. On voudrait tous de l'amour, on a besoin d'exil et surtout de chocolat. La la la la la la la la la la la la la la. J'suis tranquille, pépère, peinard à la maison. J'ai du style de panthère en peignoir dans le salon. Je suis tranquille, spop la pa oui bibi pa l'eau allez. Comme je n'ai jamais été tranquille, ouais, pépère, peinard, ouh ouh yeah. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h38, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers car je sais qu'on nous écoute en Belgique, en Suisse et même au Québec, oui. Même au Québec. Donc nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Muriel d'ailleurs justement qui est là, enfin, vous venez d'écouter Tranquille Peinard justement et nous sommes toujours en compagnie de Muriel d'ailleurs qui est là pour nous parler de sa carrière et de tout ce qu'elle fait. Est-ce que malgré les problèmes techniques tu passes un bon moment en notre compagnie? Ben oui, moi ça, je connais ça, les problèmes techniques, il y en a toujours dans ma vie. Ah bon. Par contre j'aimerais bien en profiter maintenant qu'on vient d'entendre cette chanson pour vous dire à tous que je serai en concert le 15 janvier chez Narcisse à l'occasion d'un tremplin qui s'appelle le Spin It Live. Donc si vous avez aimé cette chanson, venez tous me soutenir, écouter les chansons, applaudir, crier, mettre l'ambiance pour faire comprendre aux organisateurs du Spin It Live que c'est chouette et que tout le monde a envie de cette musique. Voilà, donc le message est passé. De toute façon, on rappellera à la fin de cette émission toutes les informations importantes, les informations utiles pour te retrouver. Donc, même question que pour la première fréquence musicale. Qu'est-ce que tu souhaites raconter à travers ce titre « Tranquille Peinard » ? Alors, ce titre m'a été inspiré justement quand j'étais chez moi confinée. Parce que je suis arrivée, en fait, devant ma porte le premier jour du confinement. On ne pouvait plus circuler à partir de midi. Moi, je suis arrivée à 13h, déjà en retard d'une heure. Et j'avais ma voiture remplie avec mes premières petites affaires. Et donc, j'ai emménagé. Je n'ai pas bougé de chez moi pendant 2 mois. J'ai rencontré personne. Je suis allée faire les courses une fois ou deux pour éviter de sortir. Et du coup, bah, j'ai eu le temps d'écrire cette chanson parce qu'en fait, j'avais jamais été aussi tranquille de ma vie. D'accord. D'où le titre Tranquille Peinard, du coup. Voilà. D'accord. C'est aussi, en fait, un petit peu humoristique et il y a un second degré à comprendre parce que je me suis dit, oui, moi, ça va. Là, je viens d'arriver, je vais m'en sortir, je peux tenir 2 mois comme ça, confiné avec ma guitare, avec tout ce que j'ai à faire, avec les 2-3 affaires que j'ai, les petites économies, ça va aller. Mais je voyais quand même sur Internet tout ce qui se passait dans le monde et j'ai vu s'écrouler plein de familles, plein d'entreprises. Ça a été la catastrophe, ça a été une crise planétaire terrible. Et donc cette chanson « Tranquille peinard », c'est aussi un petit peu humoristique au second degré, de dire « oui, voilà, nous, on est tranquille chez nous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde ». D'où la deuxième partie qui dit « on est si peu de choses, la vie ne tient qu'à un fil ». Et de se rendre compte à quel point c'est précieux, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, toute la vie, tous les amis, tout ça. C'est un petit peu ça qu'elle raconte, cette chanson. D'accord. Ensuite, j'allais te demander, est-ce que tu as déjà fait des collaborations? Donc du coup, oui, avec Super Ska, notamment. Mais est-ce que tu en as fait d'autres? Ah oui, si vous voulez, on peut même écouter une chanson en plus. J'étais invitée par Jean-François Follier, un clarinettiste liégeois de Belgique aussi, justement, qui a fait un album qui s'appelle Truite Arc-en-Ciel. Lui aussi, il a composé toute la musique, il a écrit une partie des chansons. Il y a un slammer, l'ami terrien, qui a écrit quelques textes. Et tout ça a été fait en autoproduction, plus ou moins en même temps que l'album Supernova de Super Ska. Et donc, on a aussi une chanson en duo qui s'appelle Il et Elle, que vous pouvez trouver sur YouTube, que vous pouvez écouter sur l'album Truite Arc-en-Ciel, et qui est sorti en même temps que l'album de Super Ska en mars 2020, juste avant tout ça. D'accord. Donc, je l'ai peut-être trouvé. Est-ce que ça serait ça par hasard? Est-ce que tu veux qu'on l'écoute? Ah bah moi je vous propose de l'écouter, oui. Alors on écoute Il et Elle, donc du coup que tu chantes avec J.F. Folliez. Ouais, J.F. Follier, Jean-François Follier. Voilà, Jean-François Follier. Donc Il et Elle, donc Il et Elle, le verbe être. Donc Il c'est Elle quoi en gros. Voilà, donc on écoute ce morceau, on se retrouve juste après. Le sol, là sous le ciel. Dedans de dunes, froissent les draps. Elle sur le île, il sur une aile. des caramels. Sous le soleil de mille émirats. Il a la mort. Elle a la mort. Et des murmures plein les bras. De la lulité. De la. La lulité. La. La lulité. Sa plume, il la lit malaise et Lola ulule à la lune. C'est la ritournelle du loup et de sa brune. Et voilà, c'était pas prévu qu'on écoute ce morceau, mais comme quoi Radio Gamozo, c'est aussi ça, on est souvent surpris par nos invités. Donc voilà, c'était du coup, je recherche le titre, donc Muriel Dailleur et Jean-François Follier, voilà, avec le titre Il est elle, voilà. Et donc du coup, le clip, j'ai regardé le clip en même temps, il est assez original. Vous êtes, donc tu es avec Jean-François Follier sur une plage dans un lit, et vous vous amusez avec du champagne. C'est plus ou moins ça, ouais. Voilà. Et donc, justement, dans ce morceau, du coup, je vais poser la même question. Dans ce morceau, quel est ce que vous souhaitez raconter, donc Jean-François Follier et toi, du coup? Moi, je sais pas si j'ai compris, en fait. D'accord. Si vous voulez, vous pourrez l'inviter un jour quand il viendra en vacances chez moi. Je vous l'amènerai à Radio Gamozo pour qu'il puisse vous raconter l'histoire de son album. Par contre, je voudrais en profiter, si vous permettez, si tu le permets, Chris, pour voilà, maintenant que vous avez entendu un petit peu mes chansons, vous avez entendu avec Super Ska, vous avez entendu avec Jean-François Follier, différentes collaborations que j'ai faites, je voudrais vous parler maintenant du projet que je suis en train de monter, qui s'appelle le Jama Orchestra, avec lequel on monte mes chansons, 12 musiciens. Donc il y a un quintet de base avec contrebasse, batterie, accordéon, une guitare électrique. On invite aussi une section de cuivre à nous rejoindre sur quelques morceaux, trompette, trombone, sax, et une section de cordes dans l'esprit d'un orchestre de musique hongroise avec deux violons, un violon qui fait le bratsch, donc l'accompagnement, l'autre qui fait plus des mélodies, et les deux violons qui peuvent faire des nappes pour accompagner les voix et tout ça. Un petit orchestre complet et très original, puisque on part d'un quintet du type un peu français, franchouillard, je vais dire, avec la batterie, l'accordéon. C'est un peu l'orchestre de Java, de musette à la française, à l'ancienne, avec la petite section de cuivre qui témoigne un petit peu de l'ambiance des années 30, du swing, de la musique américaine, et de petit orchestre à cordes qui, lui, nous fait voyager dans les Balkans. Donc c'est vraiment un groupe qui me tient très à cœur, très original et très diversifié. Ça s'appelle le Jama Orchestra. On voudrait faire un premier album dès que possible. On est en train de monter tout ça. Et un gros spectacle. Donc on a aussi une metteuse en scène qui va participer, un technicien son, technicienne lumière, et la compagne de Jean-François Follier, que vous avez entendu sur la chanson d'avant, qui vient d'ouvrir son atelier de mode à Liège, Élise Aline, qui va participer en tant que costumière pour toute la compagnie, pour tout l'orchestre et ses danseurs, ses danseuses. Et donc, le prochain morceau que je vous ai envoyé et qu'on va écouter, qui s'appelle « Si tu venais », c'est le tout premier morceau qu'on a fait en studio avec une partie des musiciens de ce collectif, en fait, qu'on retrouve avec Jean-François Follier, avec Super Ska, avec le Muriel Dailleur Swing Band. Et on est un petit peu comme une grande famille de passionnés de musique du monde et de jazz entre la Belgique, Paris, le Grand Est et la Suisse. On s'invite les uns les autres sur des collaborations. Et donc, en fait, ma vie, c'est ça, c'est collaborer, créer tout le temps des nouvelles chansons, des nouveaux spectacles et faire plein de featuring, du coup. Voilà. Donc oui, on va écouter du coup le morceau. Donc si tu venais, donc sur le drive que tu m'as envoyé, j'espère que ça ne coupera pas, parce que ce sera un petit peu dommage, parce que le morceau n'est pas encore disponible sur Internet. Ah non, je pense que c'est même peut-être une des toutes premières fois qui sera dévoilé au public. D'accord, on a un petit peu l'exclusivité ici à Radio Gamozo. On va espérer pour que du coup le morceau ne se coupe pas. Et après, on a un petit peu discuté avant cette émission. Tu aimerais nous faire un petit titre en live? Voilà, il y a ta guitare juste à côté de toi. Donc on écoute donc Muriel Dailleur avec son titre Si tu venais. On espère du coup que ça ne va pas ça ne va pas, je trouve plus les mots, que ça va pas bugger, voilà, hein, en gros. Et donc on on écoute, on croise les doigts, et ben, si ça coupe, et ben, malheureusement, on s'excusera une nouvelle fois. Voilà. Donc du coup, on écoute Si tu venais. Si tu venais, je ferais des crêpes, je te ferais ta fête, je ferais griller des champignons avec de l'ail et des oignons. Je rangerais ma maison, je déballerais mes cartons, je ferais pour que ça sente bon. Si tu venais, je porterais mes bijoux, mettrais de l'ordre à mes cheveux et je ferais un joli nœud tout autour de ma robe à fleurs. Décolleté sur le cœur, je ne mettrais rien en dessous. Le monde tourne autour de toi, mon amour, et toi tu tournes autour de moi tous les jours. Le monde ne tourne pas rond et je cours après le temps qui nous fait faire des détours. Et pourtant, si tu venais, je chanterais des chansons, je te jouerais de la guitare, je te chanterais qu'il est tard, je t'inviterais dans mon lit et je te couvrirais d'amour, je te tournerais tout autour. Si tu venais, je voudrais que tout soit joli et j'allumerais des bougies, je ferais le tour de la terre pour trouver ce qui peut te plaire, pour trouver ce qui peut me plaire en attendant que tu arrives. Qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que tu vas venir? Qu'est-ce que t'attends là? Que le vent tourne et vire et m'emmène ailleurs. Si tu venais, je t'inviterais à danser, te regarderais balancer, je me ferais déhancher sur quelques notes de musique, mélodies romantiques et rythmes exotiques. Si tu venais, je t'emmènerais balader dans les forêts, dans les prés, écouter les oiseaux chanter, regarder les arbres pousser, oublier qu'on est condamné, vivre libre bien crevé. Le monde tourne autour de toi, mon amour, et toi tu tournes autour de moi tous les jours. Le monde ne tourne pas rond et je cours après le temps qui nous fait faire des détours. Qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que tu vas venir? Qu'est-ce que t'attends? Le vent tourne et vire. Le monde tourne autour de toi, mon amour. Si tu venais, si tu venais. Et toi, tu tournes autour de moi tous les jours. Si tu venais, si tu venais. Le monde tourne autour de toi, mon amour. Si tu venais, si tu venais. Le monde ne tourne pas rond et je cours. Si tu venais, si tu veux. Et du coup, voilà pour Si tu venais. Voilà, c'était pour. Déjà pour faire découvrir un peu à nos auditrices et auditeurs le son. Et d'ailleurs, pendant cette pause musicale, tu étais en train de faire tes petits accords sur ta guitare. Voilà. Donc, quel est le titre du son que tu vas nous interpréter en live? Alors, je vous propose de vous chanter ma chanson « Comme une île ». Comme une île. Bah, écoute, tu peux juste me redire le numéro du micro de la guitare, s'il te plaît. Le numéro 1, ok, j'allume ça sur la table de mixage et du coup, on va pouvoir y aller. Attention. Et du coup, tu peux y aller, la scène est à toi. Comme une idylle en attendant l'été, c'est comme un monde de rêves, de délices, où le moindre des vices nous invite à danser. C'est un rêve, une trêve à la mélancolie, lumière vive à travers le ciel gris. C'est un monde à l'envers où il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de nuit. Et si le vent nous emporte au-delà des mots, de nos idéaux, je quitte mon corps, je quitte ma peau. Allez, danse dans le vent, les idées qui se déchaînent. Danse dans le vent, les discours d'amour et haine. Danse dans le vent, les poussières de mon corps. tort, qui s'émiette et qui se tord, s'allonge et se lève encore, danse dans le vent, les souvenirs envolés dansent dans le vent. Tous les rêves abandonnés dansent, dansent la beauté, l'amour et puis l'amitié dans une mer de tendresse. D'orage et puis d'allégresse. Palo pa di patat la di la daile. Stallo de la dam dam de ya. Ramon va parado bon prepa bam bam de badu ba wi badu. C'est un rêve, une trêve à la mélancolie. Lumière vive à travers le ciel gris. C'est un monde à l'envers où il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de nuit. Et voilà pour la petite chanson en live de Muriel d'ailleurs. Donc, ton titre, du coup, c'est une île. C'est comme une île. Comme une île. Comme une île, voilà. Donc voilà, ça fait du bien, un petit peu de live ici à Radio Game Ozone. Donc malheureusement, il est déjà 14h56. Nous arrivons déjà malheureusement à la fin de cette émission. On va rappeler les informations importantes. Où est-ce qu'on peut te retrouver bientôt? Alors, en live, le 15 janvier, chez Narcisse, pour le Spin It Live. Voilà. Sur Internet, il y a le site www.murieldailleurs.com. Il y a la page Facebook Muriel d'ailleurs, il y a la page Instagram et mon titre, mon album, enfin voilà, mon EP, pardon, Tranquille Peinard, ainsi que l'album de Super Ska avec la chanson La Pluie, se retrouve aussi sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de téléchargement. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur YouTube, à regarder les clips, écouter les chansons, regarder les vidéos, parce qu'on a pas mal de captations live aussi, et à partager un maximum si ça vous plaît, parce que pour nous, plus on a du réseau, plus on a des likes, plus on a des vues, et plus on peut avancer avec ça pour aller vers des scènes, vers des concerts, vers des albums. Et on a besoin de vous, on a besoin du public, parce que sans le public, tout ça n'existe pas. Alors merci à tous ceux qui nous suivent. Voilà, donc je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission demain dans la journée pour que les auditrices et auditeurs puissent se retrouver facilement. Voilà, le lien de ta page Facebook, de ton Instagram, etc., ton site internet, je mettrai tout ça en podcast, comme ça, pour te retrouver. Donc, si j'allais te demander si nous voulons te suivre et suivre ton actualité, j'allais te demander comment pouvons-nous faire, mais du coup, tes réseaux sociaux. Oui. Voilà. Et du coup, quels sont tes projets futurs, si tu en as? Alors là, maintenant, on est en train d'organiser un showcase à Bruxelles le 17 décembre pour pouvoir présenter ce projet d'album avec le Jama Orchestra, qui sera en résidence en Suisse en février pour monter la formule quintette qui sera disponible à partir du printemps pour des concerts de printemps, de l'été, de l'automne prochain. Donc la prochaine tournée pourrait se faire avec le quintette batterie, contrebasse, accordéon, guitare électrique. Et en mars, on monte déjà la première session studio avec tout l'orchestre, avec la section de cuivre, les violons. Et l'idée, c'est de produire une première chanson en haute qualité avec un clip où on rassemble les danseurs et les premiers costumes d'Elisa Lynn pour pouvoir montrer voilà, le Jama Orchestra avec tout le monde. Ça donne ça. Et on voudrait monter un spectacle pour l'année prochaine. Donc voilà, le premier objectif, c'est un EP quintette cet hiver, avec une tournée qui en suit pour cet été, et vous présenter en même temps, plus ou moins au mois de juin, le premier morceau audio clippé du Jama Orchestra avec ses danseurs. Voilà. Tu pourras venir nous voir pour nous en parler quand ça sera plus formé, on va dire. D'accord, je viendrai avec plaisir. Voilà. Et donc, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Gros bisous, prenez soin de vous et continuez à réaliser vos rêves. Voilà. C'est un joli message. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je te remercie, Muriel, d'avoir accepté mon invitation malgré les problèmes techniques. Hein. Je ne vais pas être mon générique, mais si, je vais mettre mon générique. Et donc, du coup, quant à nous, on se retrouve demain. mais sur à 14h toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai dans nos locaux Yasmina, Benestala Drevet de l'Esprit du Feutre à Deneuville. Mais bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission avec Muriel d'ailleurs demain sur notre page Facebook et sur notre site internet. Si tu veux, je pourrais même te l'envoyer par mail. Avec plaisir. Voilà. Donc n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook Radio Guimauzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec DJ Piper et son titre Illuminae. Voilà. Et donc, du coup, merci de votre fidélité à Radio Guimauzo. Et du coup, je vous dis à demain. Donc, salut et à demain.